pour commencer notre 66e émission de Pop and Rock sur RVR. Donc Roland, je vous l'ai présenté la semaine passée. Donc je recommence pas, mais si vous voulez en savoir plus sur le poète rock australien, foncez sur la page Facebook de Pop and Rock. Mais là tout de suite, on va jeter dans les bras d'un dandy anglais, le fils de Ian Dury. On écoute Baxter Dury avec le titre Slumlord. Fresh honey, I'm the Milky Bar kid. Soiled trousers, shiny cheekbones like graveyards in the sun. Murder shoes, dirty eyes sizing up. Just don't say it. Sleepless angels have blessed us, and I'll shout you down in a slumlord way. Scary people saying silly shit. Album de notre pote Baxter Dury, dans lequel il semblerait que le dandy pop punk rock nous parle beaucoup de lui, de ses expériences dans des compositions qui me font penser à un certain gars qu'on a écouté il y a quelques temps, un gars issu de Colmar qui s'appelle Rodolphe Burger, ou Rodolphe Burger, je ne sais toujours pas comment on dit. Allez, à vous de juger, on écoute un Baxter pour un deuxième titre, I'm Not Your Dog. Chien. people like to show, some people like to watch, and I watch a bit too much, but you show too much. Ce n'est pas mon problème, je ne suis pas ton chien. Ce n'est pas mon problème, je ne suis pas ton chien. Nous accompagne ce soir dans Pop and Rock pour notre première triplette. Le troisième morceau finit de nous peindre ce qu'est ce sixième album de Baxter Jury. Si vous aimez ces trois titres, alors foncez, vous allez adorer tout l'album. Mais avant d'aller l'écouter, allez, on se fait un dernier morceau de Baxter Jury. Le morceau s'appelle Say Nothing. The chances. Say nothing, say nothing, say nothing. And I'm the slumlord. And when you sit on the side of the motorway, rain pouring down your arches, and the cars rushing past you, and you're semi-dozing, not caring. Waiting for the light. Nothing but the chances. Say nothing, say nothing, say nothing. And I'll lie down and let the cars run over my lifeless body. Each wheel represents pain, necessary for all of us. Waiting for the light. Nothing but the chances. Say nothing, say nothing, say nothing. Waiting for the life. Nothing but the chances. Say nothing, say nothing, say nothing. Baxter loves you. Are you flying through an open space in my mind when she's not right there beside me. I go crazy 'cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself, alright, wanna hear her say, is that you mine? Monkeys, c'était histoire de pas vous perdre dans un pop and rock plein de nouveautés. On a écouté donc Are You Mine de Arctic Monkeys. On va tout de suite filer vers un nouveau gars qui s'appelle Jonathan Wilson. J'aime pas tout ce qu'il fait, c'est un peu trop folk, un peu trop country pour moi, mais il y a un morceau que j'adore qui s'appelle 69 Corvette. Thank you. Canine Covert pour le plus beau morceau du dernier album Folk Country de Jonathan Wilson. Allez, d'un album à l'autre, on revient à la pop, mais après la pop punk de Baxter Jury, je vous propose une balade dans la pop beaucoup plus légère du dénommé James Wrighton pour notre deuxième triplette du soir, issu donc de son dernier album. Le morceau s'appelle The Performer. Sur RVR. The Performer qu'on vient d'écouter, c'est également le titre du premier album solo du gars. Hein. James Wrighton avait connu d'autres aventures avec deux groupes. Au début des années 2010, il était dans un groupe qui s'appelait Klaxon. Et en 2017, il a fait un album avec un autre groupe qui s'appelait Shock Machine. J'ai pas trop d'infos là-dessus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que maintenant on écoute un second morceau de James Wrighton qui s'appelle Eddie. Yeah, I know that you smile. I know that you're tough enough to take on the fight. Somewhere underneath, are you still waiting for another world? And it's funny how you've turned things upside down. It's just the way that it was meant to be. Does it beg a belief? Some days it's too much for Eden. Eden, don't you hold it back. Tell me how you want it to be. Eden, don't you hold it back. No, Eden. It's fun. Is it too late? How is it too late? It's a little too late. Can you take me back to the start? troisième et dernier morceau du soir de James Wrighton, c'était le titre Star. Et justement, en parlant de Star, on va prendre l'Eurostar pour venir d'Angleterre et rentrer en France pour notre troisième triplette, une découverte que j'ai faite grâce à mon magazine préféré Rock and Folk. Le groupe, c'est Junior, Junior avec un E. Ce soir, je vous offre trois extraits de leur deuxième album. Pour ce groupe qui a connu visiblement en 2013 des débuts compliqués, mais ils ont été découverts en Angleterre, pas en France. C'est en Angleterre qu'ils ont commencé à faire parler d'eux, avec en 2017 un premier album qui s'est appelé Oulala. Et moi, ce soir, je me consacre à leur second, qui s'appelle 1, 2, 3, avec le titre Ah bah d'accord, Junior avec un E. On enchaîne un second morceau de Junior avec un E soudain. À la marge, j'en continuerai chacun pour soi de retourner la page des souvenirs lointains, la charge de revanche, décharger le venin, le temps que ça démange autant que besoin est soudain. De long en large, on se racontera orphelin, survivant d'un naufrage, seul Compliqué, des mots simples, pas de prise de tête, des petits côtés électro, rock, pop avec la voix de Anna qui me rappelle de vieux trucs avec des groupes comme ça, avec des filles qui chantaient, nostalgie j'ai envie de vous dire. Allez, on va pas se laisser aller, on va écouter le troisième et dernier morceau de Junior, le dernier morceau qu'on écoute s'appelle Tu mens. C'est vrai, tu mens. C'est vrai, tu mens. C'est vrai, tu mens. Tu m'en pas, tu m'en pas tellement. tout, au grand amour, aux petits amis, inévitablement. C'est vrai, tu mens. Allez, on monte le son, on prévient les voisins, c'est Pop and Rock. Chenille qui la serpente Bordeaux, on la cure, on la nettoie, on la fait propre, on l'embellit, mais l'embellit de la belle endormie, j'attends encore, mais l'embellit, j'attends, mais l'embellit de la belle endormie, j'attends encore, mais l'embellit, j'attends. À quelques pas de là, me fait plier les yeux à Saint-Michel. Je suis déjà nostalgique de ce qui ne sera plus, de ce qui ne sera plus. Rue Sainte-Catherine, je suis consommateur, alors j'évite. Rue Sainte-Catherine, je suis consommateur. Avec Orchestre Poétique d'Avant-Guerre, OPA, groupe labellisé Pop and Rock depuis le début de nos émissions. Et c'était une petite bulle avant d'enchaîner ou du moins de revenir sur notre petit thème de la soirée, les émissions avec de la pop sucrée anglaise. On écoute Wright Reaper avec le morceau Might Be Right. Swear you'd always treat me like a friend, and I always. Et bien voilà, notre 66e pop and rock, plein de couleurs, de musiques différentes, en allant aussi bien du petit rock français à la pop punk anglaise, à la pop sucrée française ou anglaise. On va se quitter pour ce soir avec deux derniers groupes, deux morceaux vous connaissez parfaitement. Le premier c'est Alt G, le morceau Breeze Block, et on se quittera avec Oval Nation, The Best. Et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bis à tous. She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cedrazine, your fevers greet me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the wild things go? They go along to take your honey. Way down how we build our breakfast down and say, my love, my love, love, love. La la la la, muscle to muscle, toe to toe. The fevers grip me, but here I go. My heart sings as I can blow. Pistol shows, hold her down with soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine, my love, my love, love, love. La la la la, muscle to muscle and toe to toe. The mirrors grip me, but here I go. My heart sings as I jump up. Soggy clothes and breeze blocks. Germaline, disinfect the scene, my love, my love, love, love. Please don't go. I love you so, my lovely. Please break my heart.